Chronique NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet La Bête NFL. Salut Tony! Salut Danny! Tony, on va parler évidemment, il n'y a pas grand-chose à se parler dans l'actualité. Normalement, on parlait toujours des... On commente toujours des sujets. Par contre, on a trouvé quelque chose, c'est que les propriétaires ont rectifié l'entente, ils se sont mis d'accord pour avoir 16 équipes cette année en match éliminatoire si jamais il y a des annulations en raison de la COVID. Oui, très tranquille dans la NFL cette semaine, mais les propriétaires, oui, ils ont approuvé. Pour les gens qui sont pas au courant, c'est que ben on s'enligne pour avoir une saison normale. Puis là, cette année, c'était le format avec 14 équipes, mais là, advenant avec l'éclosion, une éclosion ou des situations par rapport au COVID, puis on perdrait des semaines, puis on pourra pas jouer toute la saison régulière. Donc, on irait avec un format éliminatoire à 16 équipes, donc 8 équipes par conférence. Au début, ça avait été proposé que le classement des rangs, ce serait de 1 à 8 selon la fiche, mais les propriétaires n'ont pas accepté. Donc, on revient encore aux 4 champions de division, puis après ça, les 4 autres meilleures fiches pour compléter. Donc, c'est le plan de contingence, comme ils l'ont dit, ils l'ont accepté. Mais je pense que on voit beaucoup de cas, mais je pense pas. Moi, je suis assez confiant qu'on va aller dans une saison normale puis essayer d'avoir le Super Bowl le 7 février à Tampa Bay. Des cas, ça veut rien dire. Donc, c'est exact. Certain, là, ça veut absolument rien dire. Malheureusement, on le dit pas assez. Et on focus sur les cas. Maintenant, on va parler des matchs à surveiller cette semaine dans la NFL. Il y en a quand même quelques-uns. C'est pas une semaine extraordinaire. Je regardais ça, là. Non. Il y a quand même... quand tu dis que le match le plus important, c'est le match entre les Eagles et les Giants, c'est quand même spécial pareil, parce que quand on regarde ça, les Giants, avec une fiche de 2 victoires, 7 défaites, avec une victoire égale avec les Eagles et les Redskins, et tout ça pour le titre de la division S de la conférence nationale, c'est incroyable. Je me rappelle plus d'avoir vu une division aussi faible. Ça fait longtemps, Danny, puis tu as raison. Oui, il va y avoir d'autres matchs à surveiller. Là. Il va y avoir des rivaux de division. Puis pour les gens qui sont peut-être pas au courant, en fin de semaine, l'horaire est un peu bouleversé parce que CBS montre le Masters au golf. Ouais. Donc, on a 5 matchs à 13h, puis on a 6 à 16h. Donc, à 13h, il n'y a aucun match sur CBS, je pense, je crois. Mais tu as raison, okay. pour la division Est dans la nationale, là, c'est pathétique. Là. Moi aussi, ça avait déjà arrivé, mais ça fait longtemps, mais ça n'a pas été aussi fait que cette année. Puis même, on voulait peut-être en parler rapidement, même les Washington à 2-6 là, sont à un match et demi de la tête. Fait que les Eagles-Giants, c'est deux corps qui ont vraiment de la difficulté. Carson Wentz est décevant un peu cette saison, mais je n'ai pas vraiment d'autre chose à dire, là, mais... les Giants, la perte de Saquon Barkley a vraiment pas aidé. Daniel Jones fait ses efforts, mais comme tu dis, c'est vraiment pathétique. Il n'y a rien de positif à dire dans cette division-là. Ouais, c'est le deuxième match, et c'est le match de la fin de la semaine, d'après moi, parce qu'on va s'en reparler juste vendredi prochain. Tu l'as peut-être pas vu venir, celui-là. Là. C'est jeudi soir prochain, Arizona à Seattle. C'est très rare que les matchs jeudi. Hier, il y en avait un bon aussi, mais les Cards d'Arizona, probablement que c'est ceux qui ont placé le calendrier, ça ne s'attendait pas de voir les Cards aussi bons cette année, puisque les matchs de jeudi, c'est toujours très ordinaire. Je vous disais, Danny, avant ça, il y a Arizona va affronter Buffalo dimanche. Ça va être c'est un bon match également. Puis il y a aussi les Seahawks contre les Rams qui jouent pour la première place aussi. Là. Ouais. Fait que t'as raison, les Cards, c'est un peu ça que je voulais dire, parce que vu qu'ils affrontent les Bills en fin de semaine, ils vont jouer 2 gros matchs en 5 jours. Donc après les Bills, ils vont affronter Seattle. Les Cards, moi je suis bien content pour eux parce que les gens avaient bien prédit leur avenir. Kyler Murray avec Très bon corps arrière. Ça va être vraiment excitant à voir parce que Kyler Murray, il y a quelque chose de spécial comme corps arrière qui bouge pas mal. Il n'a pas l'air à être un corps qui va peut-être se faire, en guillemets, ramasser, puis peut-être on a peur pour une blessure. Il gère bien sa pochette, puis c'est un petit vite, comme on dit en bon québécois. Mais oui, jeudi prochain, avant qu'on s'en reparle, Seahawks, Cardinals. Les Seahawks, qu'est-ce qui est malheureux, c'est que leur défense est très poreuse, est vraiment pas bonne. Sont quasiment derniers, puis c'est tout est sur les épaules de l'attaque, puis Russell Wilson. Ça va coûter Ah, cher c'est très très pour les cher. Seahawks d'ici la fin de la saison. Ah non, non, ça, c'est la tertiaire surtout est très très très mauvaise. Si, évidemment, j'ai un match également, le Seattle contre les Rams également, c'est très très bon. Donc, Buffalo, Arizona, ça va être bon aussi ça. Ben, qu'est-ce que j'aime de Buffalo, Arizona, c'est que c'est deux receveurs vedettes en ce moment, Stephon Diggs contre DeAndre Hopkins. Donc, ça va être excitant à voir. Josh Allen avec les Bills, il a connu une petite baisse, mais là, il y a un petit regain de vie. C'est sûr qu'au niveau des Bills, c'est ça, vu qu'ils connaissent un peu une saison en dents de scie, mais sont quand même intéressants à voir. La défensive des Cards pourrait faire la différence dans ce match. Ici, Parce que c'est là que. Parce que normalement, Josh Allen paraît bien face à des défensives faibles, mais il y a vraiment de la difficulté. Il y a vraiment de la difficulté comme des bonnes défensives, puis les Cards sont quand même pas pires en défensive. Donc, puis je reviens à Kyler Murray, il peut changer un match à lui seul par la course, puis il lance très bien le ballon. Donc, je pense que les Cards puis Kyler Murray vont être un peu supérieurs aux Bills en fin de semaine. Comment t'as trouvé toi la semaine passée? Parce que je vais t'en parler. Y a Tua, bonne question. Je m'attendais. Il a été meilleur que son premier match. Là, Ben oui, c'est. beaucoup meilleur pour le ça. Pardon? Beaucoup meilleur pour le ça. Ah oui, beaucoup meilleur. Et puis là, c'est là qui. Moi, j'ai comme cliqué parce que ça a quand même été une surprise, la victoire la semaine passée. J'ai comme cliqué que là, waouh, je peux, Tu peux mes commencer Dolphins à vont penser à des être bonnes affaires, là. mieux. Oui. Puis je pense que ça a été dit aussi cette semaine, puis on l'avait dit aussi dans notre bilan de mi-saison, c'est que je pense que Brian Flores, le coach, c'est avec Vrabel, c'est des bons disciples de Bill Belichick. Tu vois qu'il travaille vraiment sur la culture de l'équipe. Les gens, l'équipe joue bien, même si on a tassé un peu Fitzpatrick. Je pense que l'équipe va bien, puis la défensive a fait vraiment la différence parce que, voilà, un an, à pareille date, les Dolphins avaient un ratio de moins, je pense que c'est moins 163 dans les ratios de revirement. Puis là, ils sont au positif, là, à point plus 61, donc ils sont cinquième au niveau de ratio des revirements au positif. Fait qu'ils sont cinquième dans NFL pour la défensive des Dolphins. Donc, Tua, il va vraiment, là, il rentre dans le moule, puis il commence à avoir confiance, puis c'est le fun d'avoir un corps arrière gaucher Ben aussi. oui, puis sachant, ben il y en a très peu, hein? Il y en a très Ouais. très peu, là. Quand il y a gaucher, le dernier que j'ai vu, que je me rappelle, c'est qui? C'est Matt Leinart? Il était-tu gaucher? Ouais, Oui, bonne, ouais, bonne Matt question, ouais. Leinart, il était à USC. Écoute, de mémoire, le dernier gaucher, vite de même, c'est Leinart. Ouais, je suis en train de regarder vite vite là. T'avais Kellen Moore, Kilmore, oui. Tim Tebow, c'est un C'est vrai, gaucher. Tim Tebow était Ouais. avant, après Matt Leinart. Ouais, c'est ça. Après Matt Leinart, il y avait un Pat White là, qui avait joué aussi pour. Très, ouais. Mais Tim Tebow, c'est le corps qu'après Matt Leinart. Mais Tua, c'est le fun. Puis. C'est comme au baseball, hein, un gaucher puis un droitier, là, la Ah, mais défensive doit s'ajuster à ça, ils sont pas habitués, et hein. la ligne à l'attaque aussi. Oui, C'est différent aussi pour pour une ligne à l'attaque, protéger puis des bloqueurs, et pas ainsi de mal de suite, là. morts, oui. Ouais. Tony, ça va être tout pour cette semaine. Évidemment, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. On s'en reparle vendredi prochain. Oui, il n'y a pas de problème, puis bon football. C'est la chronique de la NFL avec